J'enfile la tour 7-8 quand on jogging. Et dans nos rues, avant la frappe des anti-ondes, on te coquille si tu rapportes à la justice. Est-ce qu'ils sont prêts? Non, ils sont pas prêts. Je vais les rapper à l'avant qu'ils prennent en te trait. Je les vois de loin et je les sens de près. Si ça part en yeux couché, qui sont les vrais? Tu vois ton sang, on te noie dedans. Ou si t'es pas content, on t'arrache les dents. 2018, c'est sûr que je leur rentre dedans. Bah ouais, mon négro, ils ont fait leur temps. Laisse-nous faire des sommes, un max de récolte. Faut que mon coffre déborde, la rue a ses codes. Merde dans mon front, j'écrase les microbes. Je fixe sur mes côtes. Bah bah bah bah. Passe par le jeu de bouquin, à chaque tir, à l'équipe. Passe par le jeu de bouquin, c'est que toi, à Yogi. Dis-moi ce que t'en penses, wow. On découpe l'instru ou individuellement. On n'a pas et on va montrer ce qu'on sait faire. On est tous le sang, bande de dingue à l'aimer. Tu dis partout dans ta tête, c'est New York. Passe pas pour qu'une, tu vois que c'est des calomnies. Des faux rappeurs en carton qui montent à fond. Et dans l'année, vont passer de la Caroline. Bonjour, je te cloue le bec avec le Wesson. Bang, s'entend, bang, y'a personne. Y'a des tables à discuter, je me crois en colonie. Police me dispute, je crois que je perds des calories. Dans les combats par à la joue à la balle au prix. Donnie, plutôt dit, c'est la rue qui m'a appris. Les frères et Michto, éviter ça à tout prix. Je me tiens que l'épaule, mais derrière un cul, ça rit. Ça se passe dans les rues de Brooklyn. À chaque tir, à l'équipe. Ça se passe dans les rues de Brooklyn. Chaque toi, à Yogi.